DJ Sam. Magic Stone in a feto nella roulette. Feto nella roulette. Squalo! This is a night to remember. It's burning hot in December. You make me surrender. I follow you out on the floor. Tombé en schéma, tellement eu ma beauté. Quand tu t'es approché de moi, ma beauté. Ça tourne la roulette, attends ma beauté. Je suis là pour toi, mon amour. Rien ne nous touchera, rien ne nous atteindra. Je serai un vrai Casanova.